Nyang. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les grands titres de cette édition du 18 avril. Le manque récurrent de produits pétroliers impacte négativement le fonctionnement des centres de santé dans la ville de Lomong. Vous l'entendrez en début de cette édition. Plus d'un million de Burundais sont attendus pour recevoir les médicaments contre l'oncocercose dans 5 provinces du pays, précise Dr Victor Bouchoumi, médecin directeur du programme Maladies tropicales négligées ce lundi. Et la chronique sportive de ce lundi est centrée sur le padel, une discipline similaire au tennis de court. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Séraphine Hakizimana. Rebonsoir et bienvenue. Page santé pour débuter cette édition. Les résultats des examens de laboratoire qui tardent à sortir et le problème de conservation des vaccins et des réactifs sont les principaux défis auxquels font face les structures de santé suite au manque de carburant dans la ville de Lomongue. Et les employés et les bénéficiaires des soins de ces structures de santé à Lomongue qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro demandent au gouvernement burundais de trouver solution durable à ce problème de carburant. Le point avec Jean-Pierre Misago. À chaque coupure de courant électrique fournie par la régie des eaux et en l'absence du carburant dans les groupes électrogènes, les machines du laboratoire retombent à zéro, ce qui retarde la sortie des résultats de laboratoire, indisposant ainsi les patients, comme le dit Ferdinand Gahungu, chef nursing à la clinique Arkibrataini du quartier centre urbain de Lomongue. Et notre problème est celui de la conservation à froid et des vaccins et des réactifs. Pour ce dernier cas, Gangu Ferdinand indique que cela fausse souvent les résultats de laboratoire. Ces mêmes problèmes sont signalés à la clinique Saint-David de ce même quartier, selon le personnel soignant rencontré sur place en attente d'un éventuel retour du courant fourni par la régie des eaux, s'exprimant hors micro. Moussaniwa Sophie est l'une des patients rencontrés dans cette clinique en attente du retour du courant de la régie des eaux. Elle craint que sa maladie ne s'aggrave à cause de son long moment d'attente, s'ajoutant au long et difficile trajet pour parvenir à cette clinique. Tous ceux qui se sont exprimés voudraient que ce problème de manque de carburant trouve solution afin de permettre la continuité des activités, même en cas de coupure de courant électrique fournie par la régie des eaux. Jean-Pierre Misago de Lomongue, Radio Isanganiro. De la province Lomongue au sud du Burundi, rendons-nous en province Bubanza, c'est à l'ouest. Pour parler encore une fois santé, plus de 380 000 personnes de la province Bubanza sont attendues pour recevoir le Mectizan, médicament de prévention contre l'oncocercose, et plus de 270 000 personnes vont recevoir les médicaments contre les vers intestinaux au cours d'une campagne de distribution de ces médicaments qui a commencé ce lundi. Docteur Victor Bouchoumi, directeur du programme de lutte contre les maladies négligées au ministère burundais de la Santé publique, appelle les populations concernées à se présenter massivement pour prendre ces médicaments et précise que l'oncocercose qui n'est pas soignée à temps conduit à la cécité. Le point avec Spes Caritas Kabanyana. La 17e campagne de distribution du Mectizan contre l'oncocercose a commencé ce lundi dans cette province de Bubanza. La population recensée est de 478 516 personnes, mais seulement 382 813 vont recevoir ce médicament car les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les malades graves ne sont pas concernés selon les responsables sanitaires. 272 555 personnes de 15 ans et plus vont recevoir au cours de cette même campagne des médicaments contre les vers intestinaux. Docteur Boutchoumi Victor, directeur des programmes en charge des maladies tropicales négligées au ministère de la Santé, parle ici des grands défis déjà observés dans des campagnes pareilles. C'est notamment le refus de certains groupements des gens qui ne veulent pas venir prendre les médicaments en masse comme les autres. La plupart sous prétexte de préférences religieuses et d'autres puisqu'ils ne comprennent pas le bien fondé ou l'avantage de prendre ces médicaments en masse. D'autres aussi ne sont pas motivés à venir adhérer à ces campagnes, notamment ceux qui aiment beaucoup l'alcool. Il appelle la population cible à se présenter massivement et précise que l'onchocercose non soignée évolue à la cécité. L'onchocercose, c'est une maladie qui évolue vers la cécité, irréversible, si l'on ne prend pas garde. Avec l'infection par l'onchocerca volvulus, il y a attaque des neurones qui aident les gens à bien voir. Et si rien n'est fait, il y a risque d'évoluer vers une cécité qui est irréversible. L'onchocercose est une maladie propagée par une mouche appelée Similis qui s'adapte près des rivières à grande chute selon les responsables sanitaires. Espèce Caritas Kabanyana, Rubanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana qui nous relatait la situation en province Bubanza. Et au niveau national, c'est plus d'un million de Burundais qui vont recevoir ces médicaments pour lutter contre l'onchocercose et dans six provinces du pays, à savoir Bubanza, Cibitoke, Bururi, Rumonge, Makamba et Rutana. Des précisions du docteur Victor Boutchoumi, médecin directeur du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées au sein du ministère burundais de la santé publique. Je venais de le dire tantôt, il a dit ce lundi lors d'un atelier média annonçant le début de cette campagne de traitement de l'onchocercose. Docteur Boutchoumi précise en outre que les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes ne sont pas permis à prendre ces médicaments. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Poursuivons cette édition de la soirée de ce lundi 18 avril. Les propriétaires de vélos ou motos ne faisant pas le transport rémunéré peuvent approcher l'autorité concernée dans le but de régler le problème soulevé par cette catégorie de propriétaires. Un éclaircissement apporté par le Premier ministre Alain-Guillaume Bougnoni jeudi lors de la présentation des réalisations des six premiers mois de cet exercice budgétaire devant les deux chambres du Parlement burundais. Suivez-le en français, traduit par Charles Makote. Même aujourd'hui, dans leur zone de travail, nous avons vu qu'ils transportent jusqu'à 4 personnes au lieu de 2, disant qu'ils récupèrent le manque à gagner. Qu'ils s'alignent, ce serait mieux, car les Burundais ont vécu sans transport, sans moto, sans tuk-tuk. Toutefois, ils voient que ça a de l'importance, qu'il soit en ordre. On ne peut pas outrepasser la loi jusqu'à l'infini, c'est lui qui perd. En tout état de cause, il y a des mesures prises, c'est vrai, qui font mal, et de l'autre côté, ça allège. Actuellement, il reste que celui qui a le vélo ou moto et qui ne l'utilise pas dans le transport rémunéré, s'assoit avec l'autorité concernée afin de lever l'équivoque. Car une personne souffrant des jambes ne peut pas se voir empêcher de circuler sur son vélo suite aux actions des taxis-vélos, non. Tu peux dire qu'il faut une moto de type Jaokuki pour un élève. Il peut le prendre pourvu qu'il ne transporte pas quelqu'un d'autre. Ce sont des questions méritant plus de sagesse pour qu'il n'y ait pas de généralisation et de désordre. Alain-Guillaume Bougnoni, Premier ministre burundais. Page environnement à présent. Ravin se trouvant au quartier Mugobokaya, zone urbaine de Mutanga Sud, s'agrandit au jour le jour et sème la panique au sein des habitants de cette localité. Des maisons ont été emportées par ce ravin et la population demande aux autorités d'intervenir afin de limiter les dégâts. Au point avec Jean-Marie Mayong. Sorave qui s'agrandit se trouve à Mugoboka, dans le quartier de Mutanga Sud. Certains habitants de cette localité, qui ont été obligés de quitter le lieu à cause d'agrandissement de Soravin, disent que leurs maisons ont été importées par Soravin il y a plus de 18 ans. Et après cette période, 8 ménages ont été également touchés par Soravin qui a causé des déplacements de plusieurs familles vers d'autres lieux. Dans cet endroit, il y avait des kiosques, des maisons d'habitation, mais aujourd'hui, il n'y a rien. J'avais une maison ici qui a été emportée par le ravin il y a plus de 18 ans. Et après, 8 ménages, des voisins ont été aussi emportés par ce ravin. Ce ravin qui ne cesse pas de s'agrandir se trouve à quelques mètres du centre de santé appelé Kenguruka de Mugoboka, qui risque aussi d'être emporté si rien n'est fait dans l'immédiat comme intervention. Certains des habitants de Mugoboka demandent aux autorités administratives d'intervenir à temps pour voir ce qu'il faut afin d'éviter l'agrandissement de ce ravin et protéger les habitants environnants les dégâts qui peuvent y arriver. Ils demandent également que la route facilitant le déplacement entre Mugoboka 1 et Mugoboka 2, qui n'existe plus, soit construite. Nous demandons à l'État de démarrer les travaux ici et si possible de nous donner une route. Dans le même cadre, il faut que les travaux commencent par la construction des kiosques pour que les gens continuent à travailler. Même la route n'existe plus. Le déplacement des gens vers Mugoboka 2 n'est pas facile. Il n'y a pas une route reliant Mugoboka et les autres quartiers. Ces habitants continuent en disant que aujourd'hui, ils n'ont rien à faire parce que leurs kiosques et leurs maisons ont été emportés par ce ravin et qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir s'organiser dans d'autres activités. Cette situation se présente ainsi à Mugoboka 1, alors qu'il y a une autre partie de Mugoboka où le ravin a été bien réhabilité. Jean-Marie Mayonga, le salaire d'un fonctionnaire de l'État burundais sera désormais calculé. C'est le salaire qui sera désormais calculé en fonction du rendement, précisé le ministre burundais de la fonction publique ce lundi dans un atelier de renforcement des capacités des gestionnaires des ressources humaines sur la gestion des projets. Docteur Tadène Dikoumane a expliqué que la nouvelle politique salariale vient soutenir les fonctionnaires de l'État qui sont ainsi compétitifs sur le marché interne. Et c'est l'image du fonctionnaire burundais qui va changer, dit-il, on l'écoute. Il y a une nouvelle politique salariale. Au sein de cette politique, il y a plusieurs innovations. Le mode de calcul du salaire. Alors nous avons voulu expliquer en long et en large les différents gestionnaires des ressources humaines de l'État dans les différents ministères pour qu'ils puissent s'en imprégner et en savoir plus parce que c'est eux qui vont nous aider à mettre en œuvre cette politique. Et alors, dans cette nouvelle approche, il y a aussi la gestion des mobilités du personnel, des changements de services qui ne tenaient pas compte nécessairement du travail et de la performance. Il faut comprendre que le mode de calcul va changer drastiquement parce que le salaire sera fonction du rendement. Aussi, il y a un autre module qui montre qu'on va changer l'image d'un fonctionnaire burundais parce que le Burundi est intégré dans les pays de la sous-région. Il y a des partenaires techniques et financiers, des partenaires au développement qui appuient le pays. Des fois, il y a des projets qui sont élaborés. Quand il s'agit de mettre en place les unités de gestion, des fois, les fonctionnaires étaient exclus parce que l'image d'un fonctionnaire burundi était que c'est quelqu'un qui se présente au travail mais qui ne peut pas gérer un projet-programme. Et c'est cela qu'on va changer parce que les missions principales de l'ENA et de l'ISGE, c'est de renforcer les capacités des travailleurs de l'État pour pouvoir faire face à de nouvelles approches de gestion programme. Nous espérons qu'avec le début de l'année fiscale, parce que ça commence avec le 1er juillet, on aura tout mis en place pour que la politique puisse commencer. Docteur Tadène Dikoumane, ministre burundais de la fonction publique, au micro de Drey Akimana. Remise et reprise ce lundi entre la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, le ministère burundais de la justice. Une remise et reprise concernant des dossiers qui n'avaient pas encore été traités par cette commission. Le président de la CNTB, Félicien Dou Burundi, a indiqué que l'étape suivante est réservée à ce ministère de la justice pour préciser la répartition de ces ses dossiers dans différents tribunaux de grande instance. Il a en outre demandé à la mairie de Bujumbura la sécurisation de ses dossiers en attendant leur répartition. Sur ce, Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, a tranquillisé. Ses dossiers seront sécurisés, a-t-il réaffirmé. On l'écoute. Comme c'est la fin, c'est la remise et reprise, c'est bien fait. Nous demandons au ministère de la Justice de procéder très rapidement à mettre sur place des gens qui vont pouvoir continuer à travailler et pour que les paisibles citoyens qui veulent tout le temps connaître leur sort en matière de procès, qu'ils puissent savoir à qui demander ou chez qui toquer. Comme ça, nous allons éviter des querelles dans la société. Comme la remise vient de s'opérer, c'est vrai, la justice va pouvoir fermer les portes là où les dossiers sont gardés et que la sécurité puisse continuer à partir du moment que vous fermez. On aura besoin de connaître qui ont fermé et à partir de quand vous avez fermé pour que la police qui se charge de la sécurité commence à travailler dès maintenant. Radio Isanganiro, chronique sport. Le jeu de padel est pratiqué sur un terrain de 20 mètres de longueur et 10 mètres de largeur par deux personnes qui s'affrontent ou en groupe de deux. Jean-Marie Julien Saint-Guillaume, vice-président de la Fédération burundaise de cette discipline, fait savoir que le terrain de jeu est semblable à celui de tennis de court. La différence étant que le terrain de padel est encerclé par des vitres. Les détails de cette chronique sportive avec Marie-Claire Cazenez. Le jeu de padel se joue comme celui du tennis de court. Jean-Marie Julien Saint-Guillaume va, vice-président de la Fédération burundaise de padel, fait savoir que la différence soit que le terrain de padel est encerclé par deux vitrées. Le jeu de padel, ça se joue presque comme le tennis. Et la différence, c'est que le terrain de padel est encerclé par des vitres et des grillages. Et ces vitres et grillages, ça fait partie du terrain. La balle peut rebondir sur terre et aller sur le mur et revenir et continuer à jouer. Ça se joue à deux personnes, ce qu'on appelle le double. Double de deux contre deux ou un contre un, le jeu de simple. Et voilà. Et on compte les points comme on le fait au tennis. Hein, si quelqu'un connaît déjà le point et le jeu de tennis, et en points, on compte 15, 30, 40 jeux. Celui qui gagne 6 jeux, ça devient 7. Celui qui gagne 2-7-0, il gagne le match directement. Ou bien ça peut arriver que ce soit en 7 partout et puis il y a un troisième set décisif. C'est comme ça qu'on gagne soit 2-7-0 ou bien 2-7-1. Ici, il explique la différence entre la balle de tennis de court et celle de padel. Il y a une petite différence comparée au tennis. La balle de tennis est un tout petit peu plus grande que celle de padel. Mais ça ne se voit pas aux yeux. Mais seulement les experts ou les joueurs qui jouent au padel, ils savent que déjà, il y a une petite différence. Mais ce n'est pas vraiment beaucoup. Ce vice-président de la Fédération burundaise de padel affirme que le terrain de padel mesure 20 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur avec la clôture de grillage et des vitres de 4 mètres de hauteur. Le terrain de padel a 20 mètres sur 10 avec la clôture de grillage et des vitres, en hauteur de 4 mètres derrière, côté largeur, et 3 mètres côté longueur. Dans la prochaine chronique sportive, Jean-Marie Julien Saint-Guillaume va expliquer l'état des lieux du sport de padel au Burundi. Marie-Claire Cazenez, une brève internationale avant de clore cette édition. Après qu'un soldat en état d'ivresse ait tué 8 personnes, 3 militaires et 5 civils, dimanche en Ituri, la société civile congolaise s'inquiète de la récurrence des cas de tuerie perpétrés par des militaires en état d'ivresse ou sous un choc émotionnel, un phénomène de plus en plus récurrent depuis que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont été placées sous l'état de siège, écrit la RFI. Voilà, point final à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Séraphine et à Kizimana qui assuraient la mise en onde. Très bonne soirée chez vous. Au revoir.